me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment l'huile d'olive était-elle commercialisée dans le monde antique? Comment savoir dans quel type d'amphore ce produit très prisé du monde méditerranéen et en pleine expansion était-il stocké et transporté? Jean-Pierre Brun, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Techniques et économies de la Méditerranée antique, nous entraîne dans une vaste fresque sur le temps long qui analyse la place de l'olivier et de l'huile d'olive dans l'économie antique et qui met en perspective les sources anciennes et les travaux les plus récents pour appréhender les techniques de fabrication et de commercialisation de l'huile d'olive. Avant son entrée au Collège de France en 2012, Jean-Pierre Brun s'est spécialisé dans l'étude des vestiges d'activités économiques grecques et romaines après avoir consacré sa thèse à l'huile et au vin dans la Méditerranée antique. Il a fouillé de nombreuses installations vinicoles et oléicoles romaines en Provence, mais aussi en Italie et en Grèce. Il nous transporte sur tout le pourtour méditerranéen et met en valeur aujourd'hui les grandes régions d'exportation de l'huile d'olive, de l'Adriatique à la Bétique, de l'Afrique du Nord à la Tripolitaine. Après l'analyse de la place sans doute prépondérante des outres pour transporter l'huile d'olive, Jean-Pierre Brun s'attache à la question problématique des amphores et de distinguer quels produits étaient stockés dans ces amphores qui pouvaient être réutilisés et qui pouvaient contenir aussi bien du vin que des salaisons ou de l'huile. Y avait-il un ou des modèles d'amphores destinés en particulier à ce produit, qui posent la question du mélange avec la poix, comme nous l'avons vu dans le cours précédent. Jean-Pierre Brun, à côté des textes antiques et de la présentation des chantiers de fouilles précis, cite de nombreux travaux récents et fait le point sur les hypothèses d'interprétation de ces différentes sources et rend compte des débats les plus stimulants pour l'état de nos connaissances. Dans sa leçon inaugurale donnée au Collège de France en 2012, il affirmait, et je le cite, « J'entends rester un chercheur qui s'occupe de ces fouilles, c'est-à-dire de l'établissement des sources et de leur mise à disposition de la communauté scientifique par le biais de publications, d'expositions et de bases de données, mais je souhaite aussi devenir un passeur. Dans un domaine de recherche qui, comme tous les autres, devient de plus en plus spécialisé, nous avons besoin de chercheurs qui tentent de maîtriser l'évolution de leur domaine, tâche toujours plus ardue, du fait de l'inflation de la documentation. Je ferai de ce collège une maison commune des archéologues français, européens, méditerranéens, qui s'intéressent à l'histoire des techniques et à l'archéologie des activités économiques. » Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 5 décembre 2017 pour le cours de Jean-Pierre Brun, Technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique. Aujourd'hui, quels amphores pour commercialiser l'huile d'olive? Nous allons maintenant passer rapidement en revue les principales catégories d'amphores attribuées au commerce de l'huile depuis l'époque archaïque jusqu'à la fin de l'Antiquité. Cette revue nous servira par la suite, dans une autre année, à croiser les données donc entre ce que nous savons par les textes et ce que nous savons par l'archéologie. Commençons par les 7e, enfin même les 8e et 6e 8e, 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ. Comme vous le savez, l'huile d'olive fut une des principales exportations agricoles de l'Attique. On a longtemps pensé que les amphores décorées au niveau du col d'un motif ressemblant aux lettres SOS, et c'est la raison pour laquelle les archéologues les appellent les amphores SOS, que ces amphores servaient à l'exportation de l'huile d'Attique. Mais deux observations s'opposent à cela. Sur le vase François, peint par Cleitas vers 570 avant Jésus-Christ, Dionysos, qui est clairement identifié par une inscription, se précipite aux noces de Thétis et Pélée en apportant une amphore SOS sur son épaule. Quelles que soient les arguties avancées dans la littérature spécialisée, je ne vois pas comment on peut échapper à cette évidence que le cadeau apporté par le dieu du vin à un banquet de noces soit une amphore à vin et non une amphore d'huile. Par ailleurs, l'association d'amphores SOS à des services à boire le vin est notable durant toute la période orientalisante en Italie. Dans la tombe Artiaco 104 de Cume, une amphore SOS était déposée dans la fosse de la tombe qui contient un exceptionnel service à boire le vin, comprenant notamment un skiphos et une oinokoé en argent de la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Dans les tombes d'Étrurie, les amphores SOS sont souvent associées aux amphores à vin de Chios, montrant que les deux vins étaient servis dans les banquets au courant du 7e siècle. Les exemples sont nombreux. Je ne cite que celui, par exemple, de la tombe 5 de Vucci, qui est conservée au musée de Philadelphie, parce qu'elle est précisément contemporaine du vase François. La tombe contenait un service à boire corinthien associé à une amphore SOS tardive du premier quart du 6e siècle avant Jésus-Christ. Il faut donc éliminer les amphores SOS en tant que témoins des exportations attiques de l'huile. Mais en revanche, il est fort probable que les amphores dites à la brosse ont pu servir à un tel commerce qui semble fleurir surtout au 6e siècle, et c'est elle qu'il faudrait prendre en compte. Les amphores à la brosse viennent principalement d'Athènes, où elles remplacent progressivement les SOS à partir du 6e siècle. On distingue d'une part des amphores de type Agora 1501, dont le bord est en bourrelet, dont la panse et le bord sont recouverts de vernis passé à la brosse. C'est comme ça qu'on les distingue. Et c'est un type qui est produit entre 580 et la fin du 6e siècle. Et d'autre part, il y a une variante plus tardive, dite Agora 1502, qui est plus ronde, avec un bord massif, et qui apparaît au milieu du 6e siècle et disparaît vers 480 avant Jésus-Christ. Comme l'indique Jean-Christophe Sourisseau dans son étude des amphores archaïques de Marseille, le fait que dans les niveaux du 6e siècle du port de Marseille, les amphores à la brosse ne portent pas de traces visibles de poids, alors que les amphores contemporaines le sont, semblerait indiquer, malgré la prudence qu'il faut garder, comme nous venons de le voir, que ce pourrait être des amphores à huile. Il y a une autre catégorie d'amphores qui pose problème. Ce sont les amphores corinthiennes A. En effet, pour la même période, c'est-à-dire pour la période archaïque, on a attribué un temps les amphores dites corinthiennes A, fabriquées à Corinthe, donc à la base du Péloponnèse, à l'exportation de l'huile de cette région. Là encore, on remarque que ces amphores se trouvent fréquemment dans les tombes d'Italie méridionale et d'Étrurie, entre la fin du 8e et le 6e siècle, dans des contextes qui sont liés à la consommation du vin. L'exemple le plus flagrant est la tombe 526 de Pontecagnano. Pontecagnano est une ville étrusque un peu au nord de Pestum, entre la ville de Salerne actuelle et Pestum. Et cette tombe, donc, a livré à la fois une amphore corinthienne A et un très beau service à boire le vin en argent. Et dans la publication qu'en a donnée Bruno d'Agostino en 1977, qui s'appelle « Tombe principesque dell'orientalizzante antico de Pontecagnano », paru dans « Monumenti antichi » en 1977, donc Bruno d'Agostino n'avait aucun doute sur la fonction vinaire de cette amphore qui était clairement associée à un service à boire le vin. En fait, rendre les amphores corinthiennes A et les amphores SOS au vin, les faire entrer assez banalement dans la sphère de consommation aristocratique des vins de prix d'origine lointaine et d'origine prestigieuse, bien sûr, Corinthe et Athènes, au cours de banquets, et cela suffit à expliquer leur large exportation, mais en petite quantité, au cours des périodes orientalisantes et archaïques, c'est-à-dire entre la fin du 8e et le début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, nous avons éliminé deux grandes catégories. Est-ce qu'il y avait quand même à cette époque-là des amphores servant au commerce de l'huile ? C'est possible. C'est possible notamment pour des amphores phénico-puniques et leurs imitations ibériques. Nous savons que la péninsule ibérique, surtout la zone autour de Gibraltar, est depuis l'Holocène une zone favorable à l'olivier et à sa culture. Même si les installations de production d'huile jusqu'à présent découvertes sont peu importantes et de type domestique pour l'époque archaïque et classique, l'huile qui était produite dans cette région devait excéder les besoins locaux et une certaine quantité devait être exportée. L'exportation pourrait se faire dans les amphores que l'on appelle Ramon T10-2, produites dans la zone de Gibraltar, et dans des amphores ibériques de la zone d'Alicante, qui, dans le port de Marseille, ne présente pas de traces de poids. Dans un article paru en 2004, Jean-Christophe Sourisseau, un article qui s'appelle « Les amphores ibériques et phénico-puniques en Provence et dans la basse vallée du Rhône », paru dans les documents d'archéologie méridionale, Jean-Christophe Sourisseau donc a montré que ces amphores ont été importées à Marseille en petite quantité à partir du début du VIe siècle, puis en quantité plus notable, autour de 20% du total de toutes les amphores, dans la deuxième moitié du VIe et dans la première moitié du Ve siècle avant Jésus-Christ. Il explique que les Phocéens de Marseille, ne disposant que d'un petit territoire, surtout planté en vigne, qui était évidemment nécessaire pour leur commerce avec les tribus celtiques de l'intérieur, ce petit territoire ne produisait pas assez d'huile pour leur consommation et qu'ils devaient donc en importer depuis la péninsule ibérique. La quasi-disparition des amphores ibériques à Marseille au cours du IVe siècle est alors interprétée comme le signe d'une autosuffisance acquise par l'expansion territoriale et ou par un approvisionnement régional, probablement auprès de tribus locales. Les importations d'huile et des débuts de la colonie phocéenne marquent donc une exception à la règle de l'approvisionnement local, car nous avons affaire, dans ce cas précis, à une cité marchande qui spécialisait ses productions dans le produit le plus rentable pour elle, le vin, quitte à importer de l'huile que la demande culturelle des citoyens réclamait. Alors maintenant, arrivons à Rome, où, sous la République, on importait déjà de l'huile de toute l'Italie et d'Afrique, en sus des productions de son territoire et des territoires proches, comme la Sabine. On faisait venir de l'huile aussi de Campanie, mais dans des conteneurs qui ne sont pas connus par l'archéologie, peut-être par des outres. Et on en faisait aussi venir de l'Apulie, dans des amphores dites de Brinde, car produites dans les ateliers situés sur la côte, autour du port de Brindisium, tout à fait au bout de l'Italie. À partir du dernier quart du IIe siècle avant Jésus-Christ, l'huile d'Apulie était exportée en grande quantité par le port de Brinde, surtout vers l'Orient. On trouve des amphores de Brinde à Délos, à Éphèse, à Alexandrie, en Judée, mais aussi de l'autre côté, vers l'Occident, en Gaule, et il y a notamment une très belle épave qui a coulé au large de Marseille, qui s'appelle l'épave de Planier III, un navire qui a sombré vers 50 avant Jésus-Christ, qui contient, entre autres, des amphores de brinde marquées au nom de Marcus Tucus Galeo. Ces amphores ont été fabriquées donc entre le dernier quart du IIe siècle et le milieu du Ier siècle avant Jésus-Christ, dans des ateliers situés sur la côte adriatique, notamment dans les grands ateliers de La Rosa, d'Apani, de Giancola et de Marmorelle. Ces derniers ateliers, c'est-à-dire Giancola et Marmorelle, ont été fouillés sous la direction de Daniele Manacorda, qui en a fait une publication détaillée en 2012, à laquelle je vous renvoie, donc les Fornaci di Giancola a Brindisi. Et cette équipe a montré que l'atelier qui a été installé au début du 1er siècle avant Jésus-Christ connut un temps d'intense activité quand il appartenait à un certain Visellius, un personnage qui est peut-être assimilable à Caius Visellius Varro, qu'il aurait exploité dans le cadre d'un grand domaine agricole en employant des esclaves orientaux qui sont bien connus par les timbres qui sont apposés sur les anses de ses amphores. Après la mort de Visellius et un temps de confusion au moment des guerres civiles du milieu du 1er siècle avant notre ère, d'autres producteurs, les affranchis Cneius Petronius Sostratus puis Lucius Marcus Saturninus, fabriquèrent d'autres amphores dont la diffusion se restreint alors à l'Adriatique. Puis, au tournant du siècle, et au tournant de notre ère aussi, l'exportation des amphores de Brindisi cesse, et parmi les dernières amphores de Brind, une qui a été trouvée au Magdalensberg, en Autriche, porte un graffito avec la date consulaire de 13 après Jésus-Christ. C'est parmi les derniers. On estime que les ateliers ont cessé de produire des amphores à huile sous Auguste et la destination de l'huile et du vin de la région de Brind, qui était l'Orient dans la première moitié du 1er siècle, puis l'Adriatique avant que la diffusion des amphores ne cesse, paraît s'arrêter. Pourtant, les fouilles des installations agricoles de cette région, les fermes et les villets de l'Apulie, montre qu'on a continué à produire du vin et de l'huile à côté des céréales et qu'on a pratiqué l'élevage. Il est donc clair que la destination des denrées agricoles a changé et qu'on n'avait plus besoin d'amphores pour un transport par mer. Je pense que, outre les cités de la région qui se sont évidemment développées où la demande avait cru, Rome, la ville de Rome, est devenue alors la destination principale de ces produits. Et je me demande donc si, pour ces deux destinations, à la fois les villes régionales et Rome elle-même, l'huile et le vin d'Apulie n'étaient pas alors transportés directement dans des outres, chargés par des ânes, dont les caravanes ne se dirigeaient plus vers les ports et vers les navires pour l'exportation vers l'Orient, mais directement vers les villes de la région et surtout vers Rome. La Via Appia le permettait aisément, et un trajet par la route, certes bien plus coûteux que par mer, était compensé par l'économie réalisée sur les ruptures de charges, sur les coûts de transaction et sur les risques présentés par la navigation maritime. Les commerçants pouvaient en effet transporter directement l'huile du producteur au détaillant à Rome dans les mêmes outres et avec les mêmes ânes, évitant donc tout transvasement. Donc on voit bien comment la disparition de la fabrication d'un certain type d'amphore ne veut pas forcément dire que la région où on cesse de les produire entre dans une crise économique épouvantable et qu'on ne produit plus de vin ou d'huile et que donc on entre en récession. Je crois que ce n'est pas du tout le cas, c'est simplement un effet d'optique lié à notre perception du trafic en amphore. Alors voyons un autre cas. Dès le début de l'Empire, comme nous l'avons vu, l'Italie consommait sa propre huile ou la vendait à Rome. Et les régions exportatrices d'huile étaient alors principalement l'Istrie, c'est-à-dire le nord de l'Adriatique, la Croatie actuelle, si vous voulez, la Bétique, l'Afrique et la partie orientale de l'Afrique que l'on appelle la Tripolitaine. Alors commençons par l'Istrie. L'huile d'Istrie était transportée dans des amphores que nous appelons Dressel 6B. les Dresselsissa étant pour le vin et les B pour l'huile. Deux de ces amphores Dresselsis-B qui ont été trouvées au Magdalensberg, où elles sont particulièrement bien conservées, portaient des étiquettes qui sont tout à fait essentielles pour identifier leur contenu. On y lit en effet « Olei Strychiflos » et la quantité, et le producteur « Quintus Lucidus Destrus » et « Lucius Liqui » quelque chose, peut-être « Liquinus »,« Istrichi », « Olei Flos Pondo ». Donc il n'y a guère de doute que c'était bien des amphores qui servaient à exporter l'huile produite dans cette région, et on connaît par ailleurs de très grandes installations de production, notamment une gigantesque à Barbariga dans la péninsule istrienne. Ces amphores étaient produites sur la côte, notamment dans les ateliers de Loron, qui appartenait alors au sénateur Titus Statilius Taurus, et dans l'atelier de Fasana, qui appartenait au sénateur Caius Laicanus Bassus. Et vous voyez donc que nous sommes au sommet de la hiérarchie sociale et économique de l'Empire, puisque ce sont des domaines qui appartiennent aux plus grands aristocrates et qui d'ailleurs passeront au fil du temps dans les mains de la famille impériale. Ces amphores sont fabriquées principalement entre le début du 1er siècle de notre ère et le milieu du 2e. Elles sont largement exportées vers le nord, ce qui est assez logique, et elles portent donc les noms, des timbres, des marques qui montrent l'implication des familles sénatoriales puis de l'empereur dans la production et le commerce de cette huile qui semble cesser vers le milieu du 2e siècle. Là encore, il faudra voir de près, lorsqu'on étudiera cette période, si le commerce cesse ou c'est simplement qu'on change de type de conteneur et qu'on n'a plus de conteneur en amphore. Alors une autre grande région essentielle pour notre propos, c'est la Bétique. L'huile de Bétique a inondé le marché en Méditerranée occidentale du 1er siècle au 3e siècle de notre ère, et elle était transportée dans les grosses amphores Dresselvin que je vous ai montrées dans le cours précédent. L'accumulation des amphores de Bétique jetées aux abords du port fluvial de Rome a fini par former une colline de tessons que l'on appelle le Monte Testaccio, le mont des tessons, qui mesure pas moins de 39 mètres de hauteur et dont on estime qu'elle contient les fragments d'une cinquantaine de millions d'amphores déversés entre l'époque d'Auguste et le milieu du 3e siècle de notre ère, c'est-à-dire la période durant laquelle le pouvoir politique a procédé à des distributions d'huile au peuple romain. Toutefois, si les amphores de Bétique forment la plus grosse part de la décharge du Monte Testaccio, elles n'en sont pas les seules. On ne sait pratiquement rien des couches de base qui sont complètement enfouies à la base de la décharge qui n'a jamais pu être atteinte et qui pourrait contenir des amphores de Brinde éventuellement et d'Afrique proconsulaire. Mais on sait que à partir des niveaux du 2e siècle, les amphores de Bétique forment entre 85 et 90% du total de ce qui est déversé au Testaccio, le reste correspondant aux amphores d'Afrique du Nord. Dans les niveaux du premier tiers du 3e siècle, les amphores de Bétique se maintiennent encore autour de 90% du total. L'évolution de la forme des amphores Dresselvin a fait l'objet de nombreuses études depuis plus d'un siècle. Si on fait la synthèse de tout ça, on peut dire que les plus anciennes amphores à huile de Bétique ont été exportées à Rome et sur le limes rhénan dans le dernier quart du 1er siècle avant Jésus-Christ. Elles prennent la suite d'amphores pré-romaines à huile qui étaient fabriquées notamment dans la région de Carmona dès les 4e et 3e siècles avant Jésus-Christ. À l'époque augustéenne, les amphores de Bétique imitent, comme vous le voyez, les amphores de Brinde avec un corps ovoïde et un bord en bourrelet. Assez rapidement, dans le courant du 1er siècle après Jésus-Christ, le corps va cesser d'être ovoïde pour devenir sphérique Et c'est ainsi que déjà, dès l'époque de Claude, notamment dans l'épave de Port-Vendres II, nous avons la forme classique de l'amphore Dresselvin qui s'oppose donc à celle de l'époque augustéenne, qui sont bien connues sur les forts de l'armée romaine installés le long du limès de Germanie, et c'est la raison pour laquelle on les appelle, par exemple, Oberaden 83 ou Alterne 71, du nom des deux forts romains où elles ont été trouvées au début du XXe siècle. Donc, la forme classique est obtenue dès le milieu du premier siècle, et par la suite, à l'époque flavienne, le col va légèrement s'allonger, la lèvre devenir triangulaire et avoir une gorge interne, ce qui permet que, même lorsqu'on n'a qu'un fragment du bord, de dater avec une assez grande précision, disons au demi-siècle près, le type d'amphore, ce qui est évidemment utile pour nos statistiques. Au milieu et dans le deuxième moitié du deuxième siècle, le col se raccourcit à nouveau, mais la lèvre devient totalement triangulaire, perd sa gorge interne. Et enfin, au IIIe siècle, on a une amphore beaucoup plus massive, avec un bord triangulaire qui devient plus déversé. Et on peut donc, de cette façon, bien suivre cette évolution, qui, à partir du troisième quart du IIIe siècle, se produit en parallèle avec l'apparition d'un nouveau modèle d'amphore ovoïde de plus petite dimension que l'on appelle l'amphore Dressel 23 et qui seul restera fabriqué au IVe siècle et jusqu'au tout début du Ve siècle après Jésus-Christ. Cet amphore Dressel 23 servait tout à la fois au transport de l'huile mais aussi d'olives en conserve, comme le prouvent des inscriptions qui mentionnent des olivalées Columbares, c'est-à-dire en fait des olivalées Columbades, avec une faute d'orthographe. L'abandon de la production des grosses amphores, leur substitution par des amphores de moindre contenance et la fin de l'utilisation de la décharge du Monte Testaccio, où les dernières amphores connues portent la date de l'année 257, ont été interprétées comme les signes d'une crise de l'oléiculture de la Bétique dont la défaillance aurait été suppliée par l'Afrique et la Tripolitaine. Défaillance, évidemment, pour l'approvisionnement des consommateurs à Rome. Mais si c'était le cas, les derniers niveaux du Monte Testaccio auraient dû être recouverts par des amphores d'Afrique et de Tripolitaine. Or, nous avons vu que la proportion d'amphores africaines et tripolitaine reste de l'ordre de 10 à 15% dans les derniers niveaux et qu'elles sont mêlées aux amphores de Bétique dans tous les niveaux depuis au moins le milieu du IIe siècle jusqu'au milieu du IIIe siècle. Par ailleurs, alors que la consommation d'huile à Rome ne diminue probablement pas à la fin du IIIe et au IVe siècle, et alors que l'huile de Bétique arrive toujours à Rome jusqu'au début du Ve siècle, nous voyons bien que les Dressel 23 sont bien moins nombreuses que les Dressel 20 et qu'on ne les accumule plus sur la décharge du Testaccio. Même si nous devons tenir compte de la destruction d'une autre décharge qui était appelée Piccolo Testaccio et qui a pu fonctionner au IVe siècle et éventuellement recevoir des Dressel 23, j'en viens à me demander si, comme pour le vin, mais avec deux bons siècles de décalage, l'huile de Bétique n'a pas alors été envoyée partiellement à Rome dans des tonneaux de bois à partir de la deuxième moitié du IIIe siècle. La chose n'a rien d'invraisemblable. Nous avons vu que c'est en tonneaux, encore cerclés en bois, que le port de Marseille importait des huiles d'Égée et de Barbarie au XVIIIe siècle. Si un tel commerce de l'huile en futaille existait à l'époque moderne dans des conditions techniques qui n'avait pas fondamentalement évolué depuis l'Antiquité, il n'y a pas d'obstacle à imaginer que le passage des amphores aux futailles s'est produit en Espagne à partir de la seconde moitié du IIIe siècle. Ce qui expliquerait donc l'abandon de la décharge du testage, puisque évidemment les tonneaux peuvent être démontés, renvoyés sur place, réutilisés, etc., et de toute façon qui ne laissent pas de traces. Je sais bien que Ross et Remessal, qui est le fourrier du testage, avance quant à lui une autre hypothèse dans ses ouvrages et dans un article intitulé « L'Afrique au testaccio », paru dans l'Africa Romana à Rome en 2004, où il avance que ce serait la construction de la muraille aurélienne qui aurait provoqué l'abandon du testaccio et on aurait jeté les amphores à huile dans un autre lieu. Mais à vrai dire, on ne comprend pas bien pourquoi la construction des remparts d'Aurélien entre 271 et 282 aurait entraîné l'abandon du testaccio, puisque la décharge fut englobée à l'intérieur de la muraille, et donc on y avait toujours directement accès depuis le port, et qu'il semble bien, de toute façon, qu'elle ait cessé d'être alimentée une douzaine d'années avant la construction des nouveaux remparts. Par ailleurs, les représentations sculptées et les vestiges archéologiques assurent que le tonneau et son artisanat, très spécialisé, étaient déjà très bien implantés en Lusitanie, qui est la province limitrophe de la Bétique. L'administration romaine, qui utilisait les tonneaux pour le vin depuis plus de 250 ans, en était bien consciente, à la fois des avantages que permettaient les tonneaux, donc les conteneurs de bois, qui étaient solides, faciles à empiler, faciles à faire rouler. Il faut donc, je crois, envisager cette possibilité de substitution partielle des amphores Dresselvin par des fûts de bois, qui auraient été donc permises par une amélioration des techniques de fabrication des tonneaux en chêne et par une meilleure étanchéité. Collège de France et France Culture vous présente Jean-Pierre Brun, technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique. Aujourd'hui, quels amphores pour transporter l'huile d'olive ? Nous avons donc évoqué cette possibilité que l'huile d'Afrique se soit en partie substituée à l'huile d'Espagne. Et effectivement, il y a des importations africaines à Rome, c'est ce que nous allons voir. En fait, l'huile d'Afrique a été exportée beaucoup plus tôt qu'on ne l'a longtemps dit. Il faut rappeler que la région de Carthage et du Cap-Bon était couverte de vergers et que l'on eût cultivé l'olivier depuis la fondation de la ville phénicienne à la fin du IXe siècle avant Jésus-Christ. Bien plus tard, durant la guerre civile entre César et Pompée, César trouva de l'huile d'olive en abondance dans les fermes autour d'Agar. Et là, je vous renvoie au passage de la guerre d'Afrique au paragraphe 67.2. Et d'autre part, vers Ousita, toujours dans le même texte, la guerre d'Afrique, mais au paragraphe 50, le paysage autour d'Ousita était marqué par de vieilles olivettes. Et le texte nous dit « olivettes aux arbres serrés et épais ». Donc, il y avait incontestablement une production d'huile relativement importante dans toute cette frange côtière de l'Afrique. Les travaux récents d'Imed Ben Gerbania et de Claudio Capelli montrent qu'il faut attribuer à l'Afrique une catégorie d'amphores que les archéologues appellent tripolitaine ancienne ou parfois Dresselvin 6. Tripolitaine ancienne parce qu'elles ont une vague ressemblance avec, nous le verrons, les tripolitaines numéro 1. Il s'agit en fait d'un groupe hétérogène comprenant plus de 6 types de pâtes et de bords variés qui ont été produits en plusieurs endroits de la côte tunisienne, dont Leptiminus, dont Carthage elle-même, où Imed Ben Germanien a trouvé récemment un dépotoir d'atelier. Et je vous renvoie à son article « Observations sur les amphores de tradition punique » d'après une nouvelle découverte près de Tunis, parue dans Antiquité africaine 2013. Quelques analyses ont été effectuées sur les fonds d'amphores et elles montrent qu'il s'agit bien de conteneurs pour l'huile. Or, ces amphores ont été fabriquées dès la seconde moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ et jusque dans le Ier siècle après Jésus-Christ. Elles sont exportées dans tout le bassin occidental de la Méditerranée, mais aussi à Alexandrie, qui manque d'huile d'olive à cette époque, comme nous l'avons vu dans un cours précédent à propos de l'huile de radis. Toutefois, l'analyse récente effectuée sur 4 amphores de type Ostia 59 trouvées dans le Rhône à Arles révélerait qu'elles aient contenu de l'huile de benne. Si cela se confirmait, il ne pourrait s'agir que d'amphores de remploi, réutilisées donc en Égypte pour l'huile de moringa. Et je vous renvoie à la publication de David Jaoui, Nicolas Garnier et Elisabeth Daudinet, l'huile de benne identifiée dans 4 amphores africaines de type Ostia 59 provenant d'Arles et qui est parue dans la revue Antiquité africaine en 2015. Ce travail pose encore une fois le problème de la réutilisation des amphores à grande échelle. Non seulement des amphores à vin ont été remployés pour l'huile, mais aussi des amphores à huile d'olive pour d'autres types d'huile, ajoutant encore la confusion. Mais cela ne doit pas nous étonner. Le commerce antique avait plusieurs niveaux. À côté des grands courants bien établis, il y avait, comme il est logique, une infinité de trafic de moindre ampleur, mais capillaire et très fréquent, qui réutilisait des conteneurs primitivement utilisés pour le grand commerce. Dans le cas des Ostia 59, dont un autre exemplaire trouvé à Fos, sur mer, qui était le Fossa et Mariané, un des ports d'entrée du commerce en Gaule, à l'embouchure du Rhône. Un autre exemplaire semble aussi avoir contenu de l'huile de benne. Donc, pour ce type d'amphore, on pourrait avoir le témoignage d'une forme de commerce triangulaire. L'huile d'olive d'Afrique serait envoyée à Alexandrie, et nous avons vu à plusieurs reprises qu'Alexandrie manquait notoirement d'huile. Là, les amphores étaient vidées de leur huile qui était consommée sur place et puis remplies d'huile de benne expédiée sur d'autres navires vers la Gaule. L'huile de benne, nous l'avons vu lorsque j'ai traité des parfums il y a quelques années, était une huile faite principalement en Égypte et en Palestine à partir des fruits du moringa. C'était une huile coûteuse, très appréciée en parfumerie. Et il ne fait pas de doute que les parfumeurs établis en Gaule en faisaient venir, de même que toutes sortes de substances aromatiques qui transitaient par Alexandrie. Comme nous l'avons vu il y a 2 ans à propos du grand commerce entre l'Empire, l'Arabie et l'Inde. Donc, passé par Alexandrie, l'encens, la myrrhe, le nard argentique, la casse, la cannelle, etc. Donc il y avait tout un trafic de matières parfumantes et de bases pour les parfums qui venaient d'Alexandrie. Je crois donc qu'il n'y a rien de plus normal que ces importations d'huile de benne qui auraient transité par Fos et par Arles, qui étaient les portes de la Gaule. Et je ne doute pas qu'on trouve un jour à Lyon des amphores du même titre, à Lyon où un parfumeur est connu dans la nécropole de Saint-Irénée au IIe siècle, c'est-à-dire à peu près à l'époque des importations de ces amphores, et je vous renvoie à propos de cette inscription à un article de Marcel Leglé, une nouvelle inscription launaise parue dans le bulletin des antiquaires de France en 1981. D'une façon générale, donc, la forme Ostia 59 est assez bien diffusée dans la Méditerranée occidentale du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'au milieu du 2e siècle, époque à partir de laquelle elle semble supplantée en grande partie par le type appelé Africaine 1 qui semble être produite jusque dans le IIIe siècle. Les amphores africaines, en fait, ont été produites dans plusieurs ateliers de l'Afrique à partir de la seconde moitié du IIe siècle et jusqu'à la fin du IVe siècle. On distingue une évolution en trois phases qui a été bien mise en évidence par Michel Bonifay dans son ouvrage fondamental qui s'appelle « Études sur la céramique romaine tardive d'Afrique » paru à Oxford en 2004. Il y a d'abord la variante A qui présente un bord en demi-cercle, un corps allongé cylindrique et qui est produite principalement entre le milieu du IIe siècle et le début du IIIe siècle. Puis la variante B avec un bord en croissant de lune qui est assez caractéristique et toujours un corps allongé cylindrique dont la chronologie commence à peu près la même période que la variante A mais se prolonge jusque dans le IIIe siècle très avancé. Et enfin la variante C qui est surtout caractéristique de la fin du IIIe et du IVe siècle où le bord à ce moment-là est arrondi. Grâce à ces bords, on peut donc là, à nouveau replacer à peu près au demi-siècle près ce type d'amphore dans nos comptages. Ces amphores sont produites sur toute la côte de la Tunisie actuelle, de la région de Carthage jusqu'à la Byzacène. Et il semble bien que ce type d'amphore a été le principal conteneur de l'exportation de l'huile d'Afrique entre le milieu du IIe siècle et la fin du IVe siècle. À ce titre, donc, les amphores africaines 1 sont bien représentées au Monte Testaccio, où elles forment, au IIIe siècle, la majorité des amphores africaines, à parité parfois avec les amphores de Tripolitaine. Dans le courant du IIIe siècle, on peut se demander si une partie de l'huile d'Afrique a été transportée dans d'autres amphores plus grandes, celles que l'on appelle les amphores africaines 2. La question est embrouillée, car nous savons, par les résidus trouvés dans ces amphores, notamment dans les épaves, que la plupart d'entre elles ont servi à l'exportation des salaisons de poissons dont de nombreux ateliers de grande ampleur étaient établis sur la côte de l'Afrique proconsulaire. Mais les fouilles de Monte Testaccio ont montré que les quatre variantes principales y sont attestées dans les niveaux du IIIe siècle. Je vous renvoie à la publication de Réville en 2007. On est donc confronté à l'alternative suivante. Première option, une part de l'huile africaine arrive à leur arôme dans certaines de ces amphores, ce qui explique soit que certains types sont bien attestés pour l'huile, comme par exemple le type 2B, dite pseudo-tripolitaine, dont les ateliers de fabrication sont proches de Tisdrus, soit que l'on utilise les mêmes types d'amphores pour divers produits. C'est à cette option que se range Matthew Hobson dans son récent ouvrage « The North African Boom, Evaluating Economic Growth in the Roman Province of Africa Proconsularis », paru en 2015 à Portsmouth. La deuxième option, c'est que les niveaux finaux du Monte Testaccio ne résultent plus quasi exclusivement de l'approvisionnement en huile de Rome, mais qu'on y jette alors des conteneurs variés, y compris des conteneurs de salaison et de vin. D'ailleurs, dans l'ouvrage « Studio sobre il Monte Testaccio » numéro 5, donc dirigé par José María Blasquez et José Remesal, paru en 2010 à Barcelone, ces amphores africaines 2 sont associées à quelques conteneurs de type Almagro 51, Beyrouth 37, Prétoise 1, Dressel 43, Fort Limpopoli, Gauloise 4, etc., c'est-à-dire des amphores à vin et à salaison qui sont certes très minoritaires, mais qui existent. Et donc, je pense que c'est à cette option que je me range, donc d'un mélange d'amphores de tout type dans les niveaux finaux, c'est-à-dire à une époque où le testaccio ne sert plus exclusivement pour les amphores à huile, probablement parce qu'on change de système de transport, comme je vous l'ai dit. Et donc, je m'arrête pour l'instant à cette option en attendant que de futures analyses viennent trancher le débat. Donc, nous gardons les africaines 2 principalement pour les salaisons de poissons et nous gardons les africaines 1 pour l'huile. Alors les choses se compliquent dans la phase suivante, à partir de la fin du IVe et au Ve, VIe siècle après Jésus-Christ, où plusieurs types d'amphores ont pu servir à l'expédition de l'île d'Afrique. Michel Bonifay, à nouveau, a fait le point récemment dans un article intitulé « Amphores de l'Afrique romaine, nouvelles avancées sur la production, la typochronologie et le contenu » dans un colloque qui s'appelle « Amphorae ex Hispania, paisajes de production y consumo » paru à Tarragona en 2016. Parmi les probables amphores à huile de cette période, on trouverait les amphores K35A, K40-41, K59 et K61C. Sur l'épave du Dramont E, qui a été fouillée par Claude Santamaria et publiée en 1995, les amphores 35A ne présentaient pas de traces de poids, alors que les 35B étaient poissés, en tout cas avaient conservé la poix. Cela fait des amphores dites K35A, de bonnes candidates pour le transport de l'huile de la région de Nabeul, où ces amphores étaient fabriquées en même temps que d'autres, notamment dans l'atelier de Sidi Sahouni sur les territoires de la cité donc de Nabeul, qui s'appelait à l'époque Néapolis. On a donc, pour l'Afrique, un continuum d'amphores d'exportation d'huile entre la seconde moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ et le VIe siècle après Jésus-Christ. Les volumes traités au cours de la période entre le IIe et le Ve siècle après Jésus-Christ sont toutefois nettement plus importants que ceux des siècles qui ont précédé, ce qui correspond à ce que l'on sait par les sources écrites et par l'archéologie des installations. Mais l'exportation de l'huile n'était pas du tout négligeable à la fin de la République et au début de l'Empire, ce qui nous amènera à poser la question « Où sont les huileries de cette époque en Tunisie ?» À l'autre extrémité de l'arc temporel, on constate, au Ve et VIe siècle après Jésus-Christ, que les amphores à huile sont plus grandes qu'auparavant et que leur typologie est nettement plus diversifiée, comme si l'augmentation des exportations s'était accompagnée d'un abandon de la standardisation. Ce phénomène peut s'interpréter de deux façons. Soit une volonté de chacune des régions de se distinguer des autres, soit une moins grande intégration du commerce dont les agents, commerçants et armateurs, ne réclament plus des conteneurs standardisés. La seconde option est probablement la bonne dans la mesure où ce phénomène d'abandon des standards est connu dans d'autres secteurs économiques à la même époque. Alors voyons maintenant ce qui se passe, pour finir, avec l'Afrique à l'est de l'Afrique, dans la province de Tripolitaine, qui a été détachée de la province d'Afrique proconsulaire en 303 après Jésus-Christ. La situation est plus simple. En effet, cette région a surtout produit de l'huile sur les hauts plateaux du Djebel Tahouna et du Djebel Mselata, où d'énormes huileries ont été construites. Cette huile était concentrée dans les ports de Leptis Magna et d'Oea, d'où elle était expédiée, surtout vers l'Italie, dans des amphores cylindriques dont on suit le développement entre le 1er siècle de notre ère et le 5e siècle. Au début, on trouve des amphores dont le bord est vertical et la lèvre en bourrelet mouluré, et ces amphores, dites Tripolitaine 1, sont fabriquées à Leptis Magna, dans la région, et aussi dans la région de Tripoli, ainsi que dans la région au sud de Sarsis, en Tunisie, entre la période augustéenne et le milieu du IIe siècle. On trouve fréquemment des Tripolitaines 1 à Ostie, à Rome, à Pompéi, à Cume même, comme vous voyez ici, avec un beau remploi d'une de ces amphores pour une inhumation, et sporadiquement un peu partout, y compris dans la mer Rouge, à Myos Hormos par exemple. Dans la seconde moitié du IIe siècle, la forme évolue un peu, le corps devient plus gros et le corps s'évase. Ici, vous voyez les amphores qui sont à Rome, au Monte Testaccio. Et donc, on arrive dans la deuxième moitié, principalement au IIIe siècle, au IVe siècle, à cette forme que l'on appelle Tripolitaine III, qui est déjà présente au milieu du IIIe siècle, au Monte Testaccio, où d'ailleurs c'est le seul type qui est désormais attesté. On suit son évolution jusqu'à la fin du IVe siècle, époque où la moulure supérieure devient proéminente. Et au début du IIIe siècle, le timbrage, qui a été étudié par Daniel et Manacord dans plusieurs articles, montre le passage de certaines grandes propriétés sénatoriales dans les mains de l'empereur Septime Sévère, qui fait de l'huile de Tripolitaine une source importante d'approvisionnement pour Rome. L'exportation de l'huile de Tripolitaine diminue au IVe siècle, mais ne cesse que vers le milieu du Ve siècle. Dans le bassin oriental de la Méditerranée, on trouve une situation assez similaire. Partout, depuis une époque très ancienne, souvent depuis le Néolithique, on cultivait des oliviers et on produisait de l'huile. Les agglomérations étaient donc très largement approvisionnées par leurs campagnes, sans que ces mouvements locaux ne laissent de traces, car, comme je vous l'ai dit, les transports devaient surtout se faire dans des outres et des amphores de récupération. Certaines régions ont eu aussi des productions excédentaires sur la longue durée. C'est le cas de l'Attique, du Péloponnèse et de la Grèce de l'Est. La croissance d'Athènes durant l'Empire romain a probablement absorbé une large part de l'huile produite en Afrique, en Attique, pardon. Mais le Péloponnèse et la Grèce de l'Est, y compris les îles, disposaient d'excédents qui étaient commercialisés dans des amphores dont on décèle désormais les types, les lieux de production et la destination. Plusieurs synthèses ont été récemment écrites sur cette question, notamment par Andrei Opait, et je vous renvoie à un de ses articles parus dans Production and Trade of Amphorae in the Black Sea, des actes d'une table ronde tenue à Trabzon et édité par Dominique Kassab en 2010. Ces amphores à huile sont des conteneurs ovoïdes ou sphériques dont les premiers exemplaires sûrs remontent au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Elles appartiennent à une famille de conteneurs qui ont été importés à Rome à la fin de la République et sous l'Empire romain et que Dressel avait numéroté 24 et 25. Une variante ancienne de la forme Dressel 24 est attestée donc dès le IIIe siècle à Chersonesos, à Kalos Limen en Crimée et à Chios, puis à Marécha en Israël à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. On a ensuite des variantes de la forme Dressel 25 qui ont été fabriquées dans le Péloponnèse, notamment à Sicyone dans la deuxième moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. Ces amphores aussi ont été largement exportées en mer Noire. On les trouve jusqu'à Olbia et à Vani en Géorgie. Vous vous rappelez que j'ai signalé dans un cours précédent que l'inscription IG 2903 datée du IIe siècle avant Jésus-Christ mentionne un commerçant qui s'apprêtait à envoyer un bateau chargé de 56 000 litres d'huile vers le pont Euxin lorsqu'une disette d'huile à Athènes le poussa à la vendre dans cette ville. La pratique était donc alors bien établie de vendre l'huile de la mer Égée dans les colonies grecques des bords de la mer Noire qui en manquaient pour des raisons climatiques. Ce trafic se maintient au fil des siècles. De vrai, Dressel 25 sont attestés à partir de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, à Athènes, à Gonio Asparus, sur la mer Noire. Et puis on voit aussi apparaître les Dressel 24 aux embouchures en entonnoir, bien attestés à Vani, à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, ainsi que d'autres types que l'on appelle Dressel 24 similis, notamment la similis C, bien attesté à Athènes et également à Chersonès en Crimée ainsi qu'en Roumanie. Et ceci à partir du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Cette variante semble produite dans la région d'Éphèse et à Érythrée, c'est-à-dire en Turquie, juste en face de l'île de Chios. Outre le bassin oriental de la Méditerranée et la mer Noire, ces amphores à huile sont diffusées à Rome, à Ostie, à Pompéi, en Italie du Nord, on en connaît à Brèche et à Trieste, ainsi qu'en Gaule, entre le 1er siècle et la première moitié du 3e siècle de notre ère. De cette période datent deux tituli picti, c'est-à-dire deux inscriptions sur jarre, portant le mot oleum, l'un découvert à Romula en Dacie et l'autre significativement, bien sûr, au Monte Testaccio à Rome, où il a été trouvé dans les fouilles des espagnoles de la fin des années 1990. Au fil du temps, le col s'allonge, la panse devient ovoïde, comme sur les Dressel 24 similis D, qui portent souvent des timbres grecs. Au IIe et IIIe siècle après Jésus-Christ, la panse est striée de cannelures de tournage qui poursuivent. C'est une caractéristique que l'on retrouve dans les amphores de l'Antiquité tardive qui poursuivent cette tradition pour la commercialisation de l'huile d'olive et que l'on appelle « Late Roman Amphora II » à la suite de la publication de John Riley des céramiques provenant de la citerne trouvée à Carthage et une publication qui remonte à 1981. Ces amphores « Late Roman Amphora II » sont aussi produites en mer Égée et envoyées dans la partie nord de l'Empire d'Orient, notamment au nord de la mer Noire, à partir de la première moitié du 5e siècle et jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ. Un bon exemple de cette diffusion est donné par la fouille d'un poste militaire de Thrace, aujourd'hui en Bulgarie. Cette forteresse, située à Dichin, était gardée par des Goths fédérés à l'Empire. Vers 480 après Jésus-Christ, une attaque a brûlé le poste militaire et détruit les entrepôts où l'armée conservait ses provisions. Ainsi, on a pu retrouver des céréales, des lentilles et des amphores à vin et à huile. Les amphores qui ont été retrouvées dans ces niveaux archéologiques comprenaient des amphores à vin de Cilicie, Late Roman Amphora I, à raison d'environ 30%, et des amphores Late Roman Amphora II, à raison de 50%. Or, les premières, c'est-à-dire les amphores à vin, ont été retrouvées intactes, alors que les secondes avaient explosé dans l'incendie. C'est une indication forte qu'elles contenaient une matière inflammable, et donc probablement de l'huile, celle qui était produite dans la mer Égée et envoyée, comme au Haut Empire, non seulement à la capitale, qui était alors Constantinople, mais aussi aux troupes stationnées à la frontière, et on se trouve un peu dans le même schéma que ce que l'on voit au 1er et 2e siècle avec l'envoi d'huile d'Espagne à Rome et sur le limès de Germanie. Au total, donc, certaines zones de la Méditerranée ont été exportatrices d'huile sur la longue durée. Les côtes d'Adriatique, d'Espagne, d'Afrique, de Tripolitaine, les îles et les bords de la mer Égée. Ces régions ont produit parfois, depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'Antiquité tardive, des amphores destinées au commerce de l'huile. On remarque dans ce tableau l'absence de la Gaule méridionale. On y a bien produit de l'huile, surtout en Provence et en Languedoc oriental, mais les quantités étaient limitées. Et la consommation régionale absorbait totalement cette huile au point qu'il en fallait aussi importer d'Espagne et d'Afrique. C'était les cours du Collège de France le 5 décembre 2017. Vous venez d'écouter Jean-Pierre Brun, Technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique. Aujourd'hui, quels amphores pour commercialiser l'huile d'olive ? Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Pierre Brun. L'archéologue a publié « Le vin et l'huile dans la Méditerranée antique », Viticulture, oléiculture et procédés de fabrication, publié en 2017 chez Errance. Et chez le même éditeur en 2004, il avait publié « Archéologie du vin et de l'huile de la préhistoire à l'époque hellénistique ». Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Lundi, nous poursuivrons notre exploration des techniques autour de l'huile d'olive en compagnie de Jean-Pierre Brun. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.